il n'y a pas de courrier. Aujourd'hui, mon cœur penche d'un mauvais côté. Aujourd'hui, c'est dimanche. J'ai le temps de te rêver. Aujourd'hui, page blanche. J'entends chanter un oiseau dans le square en face. Je sens vibrer les carreaux. Une voiture passe. Un petit soleil tout pâle entre les rideaux vient sur mon lit. S'installe, il ne fait pas chaud. Aujourd'hui, c'est dimanche, il n'y a pas de courrier. Aujourd'hui, mon cœur penche d'un mauvais côté. Aujourd'hui, c'est dimanche. J'ai le temps de te rêver entre deux plages blanches. Je suis allongé. Une portière a claqué. Un passeur approche. J'entends le bruit d'une clé. Juste sous le porche, mais retombe le silence, étouffant le cœur. J'ai le mal de ton absence. Où es-tu? J'ai peur. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il n'y a pas de courrier. Aujourd'hui, mon cœur penche d'un mauvais côté. Aujourd'hui, c'est dimanche, j'ai le temps de te rêver. Aujourd'hui, page blanche au calendrier.